La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Introduction à la Cité de Dieu. Accord de la philosophie platonicienne et du christianisme dans l'ordre des problèmes moraux. Le problème fondamental de la morale, c'est celui du souverain bien, en d'autres termes, de la fin dernière où l'homme doit diriger ses actions et ses désirs. Saint Augustin se montre ici fort sévère pour les philosophes en général, mais cette sévérité, dans son excès même, fait ressortir plus fortement l'adhésion expresse qu'il accorde aux principes moraux de Platon. Suivant lui, les autres philosophes ont échoué dans l'entreprise d'assigner la fin dernière de la destinée humaine. Platon seul y a réussi. Seul il a deviné l'énigme de la vie. Seul il a enseigné de véritables vertus, de véritables devoirs. Seul il a connu le souverain bien. Saint Augustin emprunta un livre, aujourd'hui perdu, de Varron, de Philosophia, une classification plus subtile et plus bizarre que profonde des différents systèmes philosophiques touchant le souverain bien. Voyez Cité de Dieu, livre 19, chapitre 1er et suivant. Les uns, dit le docte ami de Cicéron, ont placé le souverain bien dans l'âme, comme, par exemple, les stoïciens. Les autres, dans le corps, comme les épicuriens. D'autres, comme les péripatéticiens, dans l'âme et le corps réunis. Jusque-là, tout est à merveille et cette première division est, j'en conviens, très simple et très juste. Mais voici Varron qui s'amuse à décomposer chacune de ces écoles, toutes sérieuses et réelles, en une foule d'autres écoles purement possibles. Or, ces écoles de fantaisie se multipliant avec la diversité des points de vue, rien de plus aisé, après en avoir imaginé 12, que d'en créer 24, 48, et ainsi de suite. C'est un jeu mathématique parfaitement arbitraire et puéril. Voilà comment Varron et Saint Augustin sont parvenus à trouver ces fameuses 288 sectes qui ont servi de prétexte à tant de belles déclamations sur la contradiction des systèmes philosophiques. La vérité est qu'on a combattu des fantômes. Car où aboutit cette distinction de 288 systèmes sur le souverain bien? À reconnaître, non seulement qu'elles sont purement possibles et n'ont qu'une existence abstraite, mais encore qu'elles s'appuient sur des différences insignifiantes ou sur de fausses distinctions. C'était bien la peine de multiplier ainsi à l'infini les systèmes pour revenir finalement au point d'où on était parti et pour dire que les platoniciens étant mis à part, il y a trois écoles de philosophie morale dans l'Antiquité, savoir l'épicurisme, qui tourne l'homme vers les biens du corps et la volupté, le stoïcisme, qui s'attache aux biens de l'âme et à la vertu, le péripatétisme, qui cherche un juste milieu entre ces deux extrêmes et s'efforce de réconcilier l'âme avec le corps, la vertu avec la volupté. Cité de Dieu, livre 19, chapitre 2 et 3. Saint Augustin est d'une sévérité excessive pour ces trois écoles, même pour l'école stoïcienne qui aurait pu, ce semble, trouver grâce aux yeux du moraliste chrétien en faveur de son mépris de la volupté et de sa généreuse aspiration vers la vie spirituelle. Mais non, toutes ces écoles ont un commun défaut, c'est de chercher dans l'homme le souverain bien de l'homme, au lieu de le chercher au-dessus de lui. Et de la sorte, elle place l'homme entre deux écueils, l'écueil de la dégradation extrême ou celui de l'extrême exaltation. Or, saint Augustin redoute la superbe des disciples de Zénon à l'égal de la molle apathie d'Épicure. Quelque heureux empire, dit-il, que l'âme semble avoir sur le corps et la raison sur les passions. Si l'âme et la raison ne sont elles-mêmes soumises à Dieu et ne lui rendent le culte commandé par lui, cet empire n'existe pas dans sa vérité. C'est pourquoi les vertus que l'âme pense avoir, si elle ne les rapporte à Dieu, sont plutôt des vices que des vertus. Car, bien que plusieurs s'imaginent qu'elles sont des vertus véritables, quand elles se rapportent à elles-mêmes et non qu'elles-mêmes pour fin, je dis que même alors elles sont pleines d'enflure et de superbe, et ainsi elles ne sont pas des vertus, mais des vices. Voir saint Augustin, au livre 13 et 14 de son traité de la Trinité. 12, numéro 25, 26, 14, numéro 3. En effet, comme ce qui fait vivre le corps, n'est pas un corps, mais quelque chose au-dessus du corps, de même ce qui rend l'homme bienheureux ne vient pas de l'homme, mais est au-dessus de lui. Cité de Dieu, livre 19, chapitre 25. Saint Augustin parcourt l'une après l'autre les quatre vertus que le stoïcisme enseignait, à l'exemple de l'école platonicienne. La prudence, la force, la tempérance et la justice, et il prouve avec une sagacité d'analyse et une véhémence admirable que ces nobles vertus, quand on les rapporte uniquement à l'homme, quand on ne les rattache pas à un principe supérieur de perfection et de félicité, sont des vertus fausses et stériles. Ce qui le choque par-dessus tout, c'est cette prétention énorme des stoïciens d'élever l'âme humaine à une hauteur où elle devienne insensible au mal, que les stoïciens aient la hardiesse de nier l'existence des maux de la vie, en même temps qu'ils prescrivent aux sages, si ces maux arrivent à un tel point qu'ils ne puissent ou ne doivent pas les souffrir, de se donner la mort, de sortir de la vie. Cependant telle est la stupidité où l'orgueil fait tomber ces philosophes qui veulent trouver en cette vie et en eux-mêmes le principe de leur félicité, qu'ils n'ont point de honte de dire que leur sage, celui dont ils tracent le fantastique idéal, est toujours heureux, devint-il aveugle, sourd, muet, impotent, affligé des plus cruelles douleurs et de celles-là même qui l'obligent à se donner la mort. Oh la vie heureuse, qui, pour cesser d'être, cherche le secours de la mort. Si elle est heureuse, que, n'y demeure-t-on? Et si on la fuit à cause des maux qui l'affligent, comment est-elle bien heureuse? Se peut-il faire qu'on n'appelle point mal ce qui triomphe du courage même, ce qui ne l'oblige pas seulement à se rendre, mais le porte encore à ce délire de regarder comme heureuse une vie que l'on doit fuir? Qui est assez aveugle pour ne pas voir que, si on doit la fuir, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Et s'ils avouent qu'on la doit fuir à cause des faiblesses qui l'accablent, que ne quittent-ils leur superbe, pour avouer aussi qu'elle est misérable? N'est-ce pas plutôt par défaut de patience que par courage que ce fameux Caton s'est donné la mort et pour n'avoir pu souffrir César victorieux? Où est la force de cet homme tant vanté? Elle a cédé, elle a succombé, elle a été tellement surmontée qu'elle a fui et abandonné une vie bien heureuse. Elle ne l'était plus, dites-vous, avouez donc qu'elle était malheureuse. Et dès lors comment ce qui rend une vie malheureuse et détestable ne serait-il pas un mal? Cité de Dieu, livre 19, chapitre 4. Il faut donc convenir que, si la vertu dépend de l'homme, on en peut dire autant de la félicité. La vertu est de ce monde, la félicité n'en est pas. Si donc nos vertus sont des vertus véritables, et il ne peut y en avoir de telles qu'en ceux qui ont une véritable piété, elles ne promettent à personne de le délivrer de toutes sortes de maux. Non, elles ne font pas cette promesse, parce qu'elles ne savent pas mentir. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de nous assurer que si nous espérons dans le siècle à venir, cette vie humaine, nécessairement misérable à cause des innombrables épreuves du présent, deviendra un jour bienheureuse en gagnant du même coup le salut et la félicité. Mais comment posséderait-elle la félicité, quand elle ne possède pas encore le salut? Aussi l'apôtre saint Paul, parlant, non de ces philosophes véritablement dépourvus de sagesse, de patience, de tempérance et de justice, mais de ceux qui ont une véritable piété et par conséquent des vertus véritables, dit « Nous sommes sauvés en espérance ». Or, la vue de l'objet espéré n'est plus de l'espérance, car qui espère ce qu'il voit déjà ? Si donc nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, c'est que nous l'attendons par la patience. Romains 8, 24, 23. Il en est de notre bonheur comme de notre salut. Nous ne le possédons qu'en espérance. Il n'est pas dans le présent, mais dans l'avenir, parce que nous sommes au milieu de maux qu'il faut supporter patiemment, jusqu'à ce que nous arrivions à la jouissance de ces biens ineffables qui ne seront traversés d'aucun déplaisir. Le salut de l'autre vie sera donc la félicité finale, celle que nos philosophes refusent de croire, parce qu'ils ne la voient pas, substituant à sa place le fantôme d'une félicité terrestre, fondée sur une trompeuse vertu, d'autant plus superbe qu'elle est plus fausse. Cité de Dieu, livre 19, chapitre 4. On ne peut plus fortement prouver que l'homme ne se suffit pas, qu'il est incapable de trouver en lui-même les conditions du bonheur, en un mot que, sans la foi en Dieu, sans l'espérance de la vie future, sans cet amour du bien que Dieu seul peut inspirer et satisfaire, il n'y a que de faux devoirs et de fausses vertus. Mais, après avoir ainsi touché du doigt le point faible du stoïcisme, saint Augustin se plaît à faire éclater la force et la beauté de la morale de Platon. Celle-ci, sans doute, a connu la grandeur de l'homme et l'a fait consister avec raison dans la sagesse, la force, la tempérance et la justice, mais elle a connu aussi sa faiblesse, et, au-dessus de toutes les vertus purement morales, elle a placé la vertu suprême, la vertu religieuse, qui seule anime et soutient toutes les autres, c'est à savoir la piété, que Platon appelle l'amour et l'imitation de Dieu. Que tous les philosophes, s'écrit saint Augustin, le cèdent donc aux platoniciens qui ont fait consister le bonheur de l'homme, non à jouir du corps et de l'esprit, mais à jouir de Dieu, et non pas à en jouir comme l'esprit jouit du corps ou de soi-même, ou comme un ami jouit d'un ami, mais comme l'œil jouit de la lumière. Le souverain bien, pour Platon, c'est de vivre selon la vertu, ce qui n'est possible qu'à celui qui connaît Dieu et qui l'imite, et voilà l'unique source du bonheur. Aussi n'hésite-t-il point à dire que philosopher, c'est aimer Dieu, dont la nature est incorporelle, d'où il suit que l'ami de la sagesse, c'est-à-dire le philosophe, ne devient heureux que lorsqu'il commence de jouir de Dieu. En effet, bien que l'on ne soit pas nécessairement heureux pour jouir de ce qu'on aime, car plusieurs sont malheureux d'aimer ce qui ne doit pas être aimé et plus malheureux encore d'en jouir, personne toutefois n'est heureux que tant qu'il jouit de ce qu'il aime. Ainsi donc, ceux-là même qui aiment ce qui ne doit pas être aimé, ne se croient pas heureux par l'amour, mais par la jouissance. Qui donc serait assez malheureux pour ne pas réputer heureux celui qui aime le souverain bien et qui jouit de ce qu'il aime? Or, Platon déclare que le vrai et souverain bien, c'est Dieu, et voilà pourquoi il veut que le vrai philosophe soit celui qui aime Dieu. Car le philosophe tend à la félicité, et celui qui aime Dieu est heureux en jouissant de Dieu. Cité de Dieu, livre 8, chapitre 8. Voilà les principes fondamentaux de la morale. Dieu, comme type absolu de perfection et comme source unique de félicité, c'est le souverain bien. Connaître Dieu, c'est la sagesse. Aimer Dieu, c'est la vertu. Posséder Dieu, c'est le bonheur. Mais si l'on descend de ces hauteurs idéales pour jeter un coup d'œil sur la vie humaine, qui trouve-t-on? L'ignorance et la folie plus souvent que la sagesse, le vice à côté de la vertu, toutes les misères à la place de la félicité. D'où vient ce désordre? Platon et le christianisme l'expliquent de la même manière, par les abus de la liberté. Platon nous fait assister dans le Timée à la formation de l'âme humaine. Elle est composée de deux parties, l'une, pure et immortelle, c'est la raison, immédiatement émanée de l'artiste suprême, l'autre, mortelle et mélangée, dont Dieu confie la formation à ses ministres, les dieux inférieurs. Cette âme inférieure est le siège des affections violentes et fatales, d'abord le plaisir, le plus grand appât du mal, puis la douleur, qui fuit le bien, l'audace et la peur, conseillers imprudents, la colère implacable, l'espérance que trompe aisément la sensation dépourvue de raison et l'amour qui ose tout. Platon, Timée, tome 12, page 197. L'âme humaine ainsi constituée, Dieu lui explique ses décrets irrévocables. La loi de l'homme, c'est la justice. Elle consiste à dompter ses passions, comme l'injustice à leur obéir. La vertu a pour compagne la félicité, et le malheur est attaché au vice par des liens de fer et de diamant. Timée, page 138, 139. Comparé avec le Gorgias et la République. Quand Dieu, dit Platon, eut donné ses lois aux âmes pour ne pas être à l'avenir responsables de leurs fautes, il répandit les unes sur la terre, les autres dans la lune, et le reste dans les autres organes du temps. Après cette distribution, il laissa au jeune Dieu le soin de façonner les corps mortels, d'ajouter à l'âme humaine tout ce qui lui manquait, et de diriger, autant que possible, cet animal mortel dans la voie la meilleure et la plus sage, à moins qu'il ne devienne lui-même l'artisan de son malheur. Timée, page 140. L'homme a donc été créé libre et responsable. Fait pour le ciel, il peut s'abaisser vers la terre. Maître de ses passions, il en peut devenir l'esclave, et il est l'artisan de son malheur comme de sa félicité. Aussi, dans ce beau mythe de la République où la philosophie cache sous un voile transparence et vérité les plus saintes, quand Platon nous représente la première des trois parcs distribuant aux âmes, sur le seuil de la vie, leurs conditions futures et laissant à chacune le choix de sa destinée, voici le discours qu'il place dans la bouche de la Vierge Lachésie. Âme passagère, vous ne devez point échoir en partage à un génie. Vous choisirez vous-même chacune le vôtre. La vertu n'a point de maître, elle s'attache à qui l'honore et abandonne qui la néglige. On est responsable de son choix. Dieu est innocent. République, livre 10. Est-ce à dire que Dieu abandonne l'homme à sa destinée et le laisse se précipiter à son gré dans le mal et porter le désordre au sein de l'univers? Telle n'est point la pensée de Platon. Dieu permet le mal, mais il l'a prévu de toute éternité et lui a fixé des limites. C'est se former l'idée la plus fausse de la providence que de la restreindre au gouvernement matériel de l'univers. Dieu n'est pas seulement le régulateur des cieux, il est aussi le législateur des âmes. Sa sagesse, qui ordonne les mouvements des astres dans l'immensité, pénètre au plus intime des consciences. Rien n'est petit, rien n'est grand devant lui. Ne faisons donc pas cette injure à Dieu de le mettre au-dessous des ouvriers mortels, et, tandis que ceux-ci, à proportion qu'ils excellent dans leur art, s'appliquent aussi davantage à finir et à perfectionner, par les seuls moyens de cet art, toutes les parties de leurs ouvrages, soient grandes, soient petites, ne disons pas que Dieu, qui est très sage, qui veut et peut prendre soin de tout, néglige les petites choses auxquelles il lui est plus aisé de pourvoir, comme pourrait faire un ouvrier indolent ou lâche, rebuté par le travail, et qu'il ne donne son attention qu'aux grandes. Platon, Loi, livre 10. Dieu embrasse dans sa sagesse infinie le monde physique et le monde moral, et partout il fait prévaloir l'ordre sur le désordre, le bien sur le mal, contraignant le mal lui-même à devenir l'instrument du bien. Persuadons à ce jeune homme que celui qui prend soin de toutes choses les a disposées pour la conservation et le bien de l'ensemble, que chaque partie n'éprouve ou ne fait que ce qu'il lui convient de faire ou d'éprouver, qu'il a commis des êtres pour veiller sans cesse sur chaque individu jusqu'à la moindre de ses actions ou de ses affections, et porter la perfection jusque dans les derniers détails. Toi-même, chétif mortel, tout petit que tu es, tu entres pour quelque chose dans l'ordre général et tu t'y rapportes sans cesse. Mais tu ne vois pas que toute génération se fait en vue de tout, afin qu'il vive d'une vie heureuse, que l'univers n'existe pas pour toi, mais que tu existes toi-même pour l'univers. Tout médecin, tout artiste habile dirige toutes ses opérations vers un tout étant à la plus grande perfection du tout. Il fait la partie à cause du tout, et non le tout à cause de la partie, et si tu murmures, c'est faute de savoir comment ton bien propre se rapporte à la fois et à toi-même et au tout, selon les lois de l'existence universelle. Loi, livre 10. Cette subordination de la partie à l'ensemble et de l'homme à l'ordre général n'empêche pas que la part de l'homme ne soit belle dans l'économie de l'univers et que Dieu ne veille avec une singulière sollicitude sur l'être excellent qu'il a voulu faire raisonnable, vertueux et immortel. Le roi du monde ayant remarqué que toutes nos opérations viennent de l'âme et qu'elles sont mélangées de vertu et de vice, que l'âme est le corps, quoiqu'il ne soit point éternel comme les vrais dieux, ne doivent néanmoins jamais périr, car si le corps ou l'âme venait à périr, toute génération d'êtres animés cesserait, et qu'il est dans la nature du bien, en tant qu'il vient de l'âme, d'être toujours utile, tandis que le mal est toujours funeste. Le roi du monde, dis-je, ayant vu tout cela, a imaginé dans la distribution de chaque partie le système qu'il a jugé le plus facile et le meilleur, afin que le bien eût le dessus et le mal le dessous dans l'univers. C'est par rapport à cette vue du tout qu'il a fait la combinaison générale des places et des lieux que chaque être doit prendre et occuper d'après ses qualités distinctives. Mais il a laissé à la disposition de nos volontés les causes d'où dépendent les qualités de chacun de nous, car chaque homme est ordinairement tel qu'il lui plaît d'être, suivant les inclinations auxquelles il s'abandonne et la nature de son âme. Ainsi tous les êtres animés sont sujets à divers changements dont le principe est au-dedans d'eux-mêmes, et en conséquence de ces changements, chacun se trouve dans l'ordre et la place marquée par le destin. Ce dont la conduite n'a subi que de légères altérations s'éloigne moins de la surface de la région intermédiaire. Pour ceux dont l'âme change davantage et devient plus méchante, ils s'enfoncent dans l'abîme et dans ces demeures souterraines appelées du nom d'enfer et autres semblables, sans cesse ils sont troublés par des frayeurs et des songes funestes pendant leur vie et après qu'ils sont séparés de leur corps. Et lorsqu'une âme a fait des progrès marqués, soit dans le mal, soit dans le bien, par une volonté ferme et par des habitudes constantes, si elle s'est unie intimement à la vertu, jusqu'à devenir divine comme elle a un degré supérieur, alors du lieu qu'elle occupait elle passe dans une autre demeure toute sainte et plus heureuse. Si elle a vécu dans le vice, elle va habiter une demeure conforme à son état. Loi, livre 10. Telle est la doctrine de Platon sur l'origine du mal. Elle peut se résumer en trois mots. Le bien vient de Dieu, le mal vient de l'homme. Dieu, en permettant le mal, l'a prévu, et sa providence le fait tourner au bien. Telle est aussi de point en point la doctrine de saint Augustin. On sait que, dès sa jeunesse, il avait cherché avec une curiosité passionnée l'origine du mal et pendant longtemps n'avait pu l'expliquer que par l'hypothèse d'un principe positif, essentiellement contraire au bien. Ce fut Platon, nous l'avons vu, qui le détourna du dualisme et lui fit comprendre que transporter à l'origine des choses l'opposition du bien et du mal, c'est reculer la difficulté, au lieu de la résoudre, et, de plus, expliquer ce qui n'était près tout qu'un fait obscur et mystérieux par une absurdité manifeste. Dès ce moment, saint Augustin comprit ce qui lui avait échappé jusque-là, je veux dire l'idée chrétienne de la chute. Pour le christianisme comme pour Platon, le mal n'est rien de premier. Il ne tire pas son origine du Créateur, mais de la créature. Dans la créature même, ange ou homme, le mal n'est rien d'effectif et d'absolu. C'est une défaillance, un défaut d'action plutôt qu'un acte positivement mauvais. Écoutons l'auteur de la Cité de Dieu expliquant à la fois la chute de l'homme et celle des anges infidèles. Ils n'ont pas voulu rapporter à Dieu leur grandeur, et lorsqu'ils ne tenaient qu'à eux d'agrandir leur être en s'attachant à celui qui est souverainement, ils ont préféré ce qui a moins d'être en se préférant à lui. Voilà la première défaillance et le premier vice de cette nature qui n'avait pas été créée pour posséder la perfection de l'être, et qui néanmoins pouvait être heureuse par la jouissance de l'être souverain, tandis que sa désertion, sans la précipiter, il est vrai, dans le néant, l'a rendue moindre qu'elle n'était et par conséquent misérable. Demandera-t-on la cause efficiente de cette mauvaise volonté? Il n'y en a point. Rien ne fait la volonté mauvaise, puisque c'est elle qui fait ce qui est mauvais. La mauvaise volonté est donc la cause d'une mauvaise action, mais rien n'est la cause de cette mauvaise volonté. En effet, si quelque chose en est la cause, cette chose a quelque volonté, ou elle n'en a point, et si elle a une volonté, elle l'a bonne ou mauvaise. Bonne, cela est impossible, car alors la bonne volonté serait cause du péché, ce qu'on ne peut avancer sans une absurdité monstrueuse. Mauvaise, je demande qui l'a faite. En d'autres termes, je demande la cause de la première volonté mauvaise, car cela ne peut pas aller à l'infini. En effet, une mauvaise volonté, née d'une autre mauvaise volonté, n'est pas quelque chose de premier, et il n'y a de première volonté mauvaise que celle qui n'est causée par aucune autre. Si on répond que cette première volonté mauvaise n'a pas de cause et qu'ainsi elle a toujours été, je demande si elle a été dans quelque nature. Si elle n'a été en aucune nature, elle n'a point été en effet, et si elle a été en quelque nature, elle la corrompait, elle lui était nuisible, elle la privait du bien. Par conséquent, la mauvaise volonté ne pouvait être dans une mauvaise nature. Elle ne pouvait être que dans une nature bonne, et en même temps muable, qui pût être corrompue par le vice. Car si le vice ne l'eût pas corrompu, c'est qu'il n'y aurait pas eu de vice, et dès lors il n'y aurait pas eu non plus de mauvaise volonté. Si donc le vice l'a corrompu, ce n'a été qu'en ôtant ou diminuant le bien qui était en elle. Il n'est donc pas possible qu'il y ait eu éternellement une mauvaise volonté dans une chose où il y avait auparavant un bien naturel que cette mauvaise volonté a altéré en le corrompant. Si donc cette mauvaise volonté n'a pas été éternelle, je demande qui l'a faite. Tout ce qu'il reste à supposer, c'est que cette volonté était rendue mauvaise par une chose en qui il n'y avait point de volonté. Or, je demande si cette chose est supérieure, inférieure ou égale. Supérieure, elle est meilleure. Comment, dès lors, n'a-t-elle aucune volonté? Comment n'en a-t-elle pas une bonne? De même, si elle est égale, puisque tant que deux choses ont une bonne volonté, l'une n'en produit point de mauvaise dans l'autre. Il reste que le principe de la mauvaise volonté de la nature angélique, qui a péché la première, soit une chose inférieure à cette nature et privée elle-même de volonté. Mais cette chose, quelque inférieure qu'elle soit, quand ce ne serait que de la terre, le dernier et le plus bas des éléments, ne laisse pas, en sa qualité de nature et de substance, d'être bonne et d'avoir sa mesure et sa beauté dans son genre et dans son ordre. Comment donc une bonne chose peut-elle produire une mauvaise volonté? Comment, je le répète, Un bien peut-il être cause d'un mal? Lorsque la volonté quitte ce qui est au-dessus d'elle pour se tourner vers ce qui lui est inférieur, elle devient mauvaise, non parce que la chose vers laquelle elle se tourne est mauvaise, mais parce que c'est un mal que de s'y tourner. Ainsi ce n'est pas une chose inférieure qui a fait la volonté mauvaise, mais c'est la volonté même qui s'est rendue mauvaise en se portant irrégulièrement vers une chose inférieure. Que deux personnes également disposées de corps et d'esprit voient un beau corps, que l'une le regarde avec des yeux lascifs, tandis que l'autre conserve un cœur chaste, d'où vient que l'une a cette mauvaise volonté et que l'autre ne l'a pas? Quelle est la cause de ce désordre? Ce n'est pas la beauté du corps, puisque tous deux l'ont vu également et que tous deux n'en ont pas été également touchés. Ce n'est point non plus la différente disposition du corps et de l'esprit de ces personnes, puisque nous les supposons également disposées. Dirons-nous que l'une a été tentée par une secrète suggestion du malin esprit? Comme si ce n'était point par sa volonté qu'elle a consenti à cette suggestion. C'est donc ce consentement de la volonté dont nous recherchons la cause. Pour ôter toute difficulté, supposons que tous deux soient tentés d'eux-mêmes, que l'une cède à la tentation et que l'autre y résiste. Que peut-on dire autre chose sinon que l'une a voulu demeurer chaste et que l'autre ne l'a pas voulu? Et comment cela s'est-il fait, sinon par leur propre volonté? Que personne ne cherche donc une cause efficiente de la mauvaise volonté. Cette cause n'est point positive, efficiente, mais négative, déficiente, parce que la volonté mauvaise n'est point une action, mais un défaut d'action. Note. Voilà l'origine de la fameuse maxime scolastique, souvent citée et approuvée par Leibniz dans ses essais de Théodicée. Fin de la note. Déchoir de ce qui est souverainement vers ce qui a moins d'être, c'est commencer à avoir une mauvaise volonté. Or, il ne faut pas chercher une cause efficiente à cette défaillance, pas plus qu'il ne faut chercher à voir la nuit ou à entendre le silence. Ainsi, que personne ne me demande ce que je sais ne pas savoir, si ce n'est pour apprendre de moi qu'on ne le saurait savoir. Ce que je sais, c'est que la nature de Dieu n'est point sujette à défaillance, et que les natures qui ont été tirées du néant y sont sujettes, et toutefois, plus les natures ont des tréfonds de bien, plus leurs actions sont positives et ont des causes positives et efficientes. Au contraire, quand elles défaillent, et par suite font du mal, leurs actions sont vaines et n'ont que des causes négatives. Je sais encore que la mauvaise volonté n'est en celui en qui elle est que parce qu'il le veut, et qu'ainsi on punit justement en défaillant ce qui est entièrement volontaire. Cité de Dieu, livre 12, chapitre 6, 7 et 8. Comparé livre 14, chapitre 11. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a contradiction entre le libre arbitre de l'homme et la préscience de Dieu. Admettre un Dieu et lui refuser la préscience, c'est l'extravagance la plus manifeste. Cicéron l'a bien senti. Mais ce grand esprit, persuadé que la préscience et le libre arbitre sont contradictoires, s'est décidé pour le libre arbitre. Et voilà comme en voulant faire l'homme libre, il le fait sacrilège. Mais quoi de moins raisonnable que de conclure que rien ne dépendrait de notre volonté, si Dieu avait prévu ce qui devait en dépendre? Ce serait dire que Dieu a prévu là où il n'y aurait rien à prévoir. Si, en effet, celui qui a prévu ce qui devait dépendre un jour de notre volonté a véritablement prévu quelque chose, il faut conclure que ce quelque chose, objet de sa préscience, dépend, en effet, de notre volonté. Telle est la propre essence du vouloir. Si nous voulons, il est. Si nous ne voulons pas, il n'est pas. Puisqu'enfin on ne voudrait pas, si on ne voulait pas. C'est pourquoi nous ne sommes nullement réduits à cette alternative, ou de nier le libre arbitre pour sauver la préscience de Dieu, ou de nier la préscience de Dieu, pensée sacrilège, pour sauver le libre arbitre. Mais nous embrassons ces deux principes et nous les confessons l'un et l'autre avec la même foi et la même sincérité, la prescience pour bien croire, le libre arbitre pour bien vivre. Ainsi ce n'est pas en vain qu'il y a des lois, ni qu'on a recours aux réprimandes, aux exhortations, à la louange et au blâme, car Dieu a prévu toutes ces choses, et elles ont tout l'effet qu'il a prévu qu'elles auraient. Et de même les prières servent pour obtenir de lui les biens qu'il a prévu qu'il accorderait à ceux qui prient. Et enfin il y a de la justice à récompenser les bons et à châtier les méchants. Un homme ne pêche pas parce que Dieu a prévu qu'il pécherait. Tout au contraire, il est hors de doute que, quand il pêche, c'est lui-même qui pêche, celui dont la prescience est infaillible ayant prévu que son péché, loin d'être l'effet du destin ou de la fortune, n'aurait d'autre cause que sa propre volonté. Et sans doute, s'il ne veut pas pécher, il ne pêche pas. Mais alors Dieu a prévu qu'il ne voudrait pas pécher. Cité de Dieu, livre 5, chapitre 9 et 10. On demandera comment il se fait, si Dieu a prévu toutes les actions des hommes, que les biens de ce monde semblent livrés au hasard et tombent également en partage aux bons et aux méchants. Pour expliquer ce désordre apparent, il faut se placer au point de vue de la Providence, et, comme elle, embrasser dans son regard le présent et l'avenir, le temps et l'éternité. La justice et la bonté de Dieu se font déjà sentir dès cette vie passagère, mais elles n'auront que dans la vie future leur suprême accomplissement. Quelqu'un dira : pourquoi cette miséricorde divine a-t-elle fait aussi sentir ses effets à des impies et à des ingrats ? Pourquoi ? C'est parce qu'elle émane de celui qui fait chaque jour lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Si quelques-uns de ces impies, se rendant attentifs à ces marques de bonté, viennent à se repentir et à se détourner des sentiers de l'impiété, il en est d'autres qui, suivant la parole de l'apôtre, méprisant les trésors de la bonté et de la longanimité divine, s'amassent, par leur dureté et l'impénitence de leur cœur, un trésor de colère pour le jour de la colère et de la juste manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 4, 5, 26. Et cependant, il est toujours vrai de dire que la patience de Dieu invite les méchants au repentir, comme ses châtiments exercent les bons à la résignation, et que sa miséricorde protège doucement les bons comme sa justice frappe durement les méchants. Il a plu, en effet, à la divine providence de préparer aux bons, pour la vie future, des biens dont les méchants ne jouiront pas, et aux méchants des maux dont les bons n'auront point à souffrir. Mais quant aux biens et aux maux de cette vie, elle a voulu qu'ils fussent communs aux uns et aux autres, afin qu'on ne désirât point avec trop d'ardeur des biens dont on entre en partage avec les méchants, et qu'on évitât point comme honteux des maux qui souvent éprouvent les bons. Il y a pourtant une extrême différence dans l'usage que les uns et les autres font de ces biens et de ces maux, car l'homme bon ne se laisse point enivrer par les biens de cette vie, ni abattre par ses disgrâces. Le méchant, au contraire, considère la mauvaise fortune comme une très grande peine, parce qu'il s'est laissé corrompre par la bonne. Plus d'une fois, cependant, Dieu fait paraître plus clairement sa main dans cette distribution des biens et des maux, et véritablement si tout péché était frappé dès cette vie d'une punition manifeste, l'on croirait qu'il ne reste plus rien à faire au dernier jugement. De même que si Dieu n'infligeait à aucun péché un châtiment visible, on croirait qu'il n'y a point de providence. Il en va pareillement des biens temporels. Si Dieu, par une libéralité toute évidente, ne les accordait à quelques-uns de ceux qui les lui demandent, nous penserions qu'ils ne dépendent point de sa volonté. Et s'il les donnait à tous ceux qui les lui demandent, Nous nous accoutumerions à ne le servir qu'en vue de ses récompenses, et le culte que nous lui rendrions n'entretiendrait pas en nous la piété, mais l'avarice et l'intérêt. Or, s'il en est ainsi, il ne faut point s'imaginer, quand les bons et les méchants sont également affligés, qu'il n'y ait point entre deux différence, parce que leur affliction est commune. La différence de ceux qui sont frappés demeure dans la ressemblance des maux qui les frappent, et, pour être exposés au même tourment, la vertu et le vice ne se confondent pas. Car, comme un même feu fait briller l'or et noircir la paille, comme un même fléau écrase le chaume et purifie le froment, et de même encore que le marc ne se mêle pas avec l'huile, quoiqu'il soit tiré de l'olive par le même pressoir, ainsi un même malheur venant à fondre sur les bons et sur les méchants, éprouve, purifie et fait resplendir les uns, tandis qu'il damne, écrase et anéantit les autres. C'est pour cela qu'en une même affliction, les méchants blasphèment contre Dieu, les bons, au contraire, le prient et le bénissent, tant il importe de considérer, non les maux qu'on souffre, mais l'esprit dans lequel on les subit. Car le même mouvement qui tire de la boue une odeur fétide, imprimée à un vase de parfum, en fait sortir les plus douces exhalaisons. Cité de Dieu, livre 1, chapitre 8. Pour ramener ces grandes vues à des termes précis, l'idée que saint Augustin et le christianisme se forment de l'ensemble des choses, est celle d'un ordre moral qui domine tout et dont Dieu est le principe. Le monde matériel a été créé en vue du monde spirituel, et le monde spirituel n'existe que pour faire triompher la justice sur l'injustice, l'ordre sur le désordre, le bien sur le mal. Cette pensée de l'ordre moral, conçue comme l'ordre supérieur de toutes choses, est le principe commun du christianisme et de la philosophie de Platon. Voilà ce qui faisait dire à saint Augustin que, si Platon et ses amis revenaient au monde, ils n'auraient à changer que bien peu de choses à leur doctrine pour être chrétiens. Et en effet, sur ces hautes cimes de la métaphysique et de la morale, les différences s'évanouissent. Tout s'accorde, tout s'unit. La métaphysique est tout entière en ce peu de mots. Il y a un Dieu qui est la vérité et le bien. La morale est tout entière en ceci. Il y a une loi suprême, c'est de chercher la vérité de toutes les forces de son esprit et d'aimer le bien de toutes les forces de son cœur, afin de se rendre semblable à Dieu. markendanarchive.org 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.